On continue nos enregistrements évidemment sur le décès de Guy Lafleur. Et là, on va rejoindre à Thurso, l'endroit où Guy Lafleur est né, le maire de Thurso, Benoît Lauzon, pour savoir un peu quelle est la réaction des gens à Thurso. Bon matin, M. Lauzon. Bon matin. M. Lauzon, évidemment, on savait que Guy était sur le point de décéder, mais quelle a été la réaction des gens à Thurso? C'était vraiment là, c'était un choc aussi pour la communauté là. Guy, c'est le petit gars de Thurso, puis c'est encore le petit gars de Thurso, puis c'est l'idole de tout le monde, c'est l'idole d'un peuple, mais c'est notre idole aussi, puis ça a été vraiment un choc pour la population. Est-ce qu'il était encore présent Thurso, Guy Lafleur? Je dirais, mais Guy, tout au long de sa carrière, puis même après sa carrière, le venait de façon régulière ici voir sa maman à Thurso. Depuis la dernière année, là, durant sa maladie, peut-être un petit peu moins, la santé ne lui permettait pas, là, mais habituellement, là, Guy était toujours présent ici. Donc, pour Thurso, il représente quoi? Ben, je l'ai mentionné, le petit gars de Thurso, hein, mais ouais. c'était un ambassadeur pour nous. Guy, il n'a jamais oublié ses racines. Hein. Il n'avait pas peur de parler qu'il venait de la petite ville de Thurso en Outaouais. Puis il en a parlé souvent. Puis Guy nous a très bien représentés. Puis c'était le meilleur ambassadeur. Je pense qu'il n'y a pas une ville au Québec qui pourrait avoir un meilleur ambassadeur que Guy Lafleur. Est-ce que vous allez faire de quoi suite au décès? J'imagine que oui. Je pense qu'il y a une statue à Thurso de Guy Lafleur. Donc, est-ce qu'il va y avoir des cérémonies spéciales? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose pour rendre hommage à Guy? On a rendu hommage à Guy dimanche, là, avant hier. Là, il y avait des centaines de personnes qui étaient réunies ici, où il y a eu des hommages, il y a eu des chansons. Là, tout s'est fait à la place Guy Lafleur à côté du bronze de Guy. OK, OK. La mère de Guy vit encore. C'était quand même assez surprenant. Quel âge qu'elle est rendue, Crime? Madame Lafleur, 90 ans. Elle est en bonne santé encore? En très bonne santé. Elle demeure encore dans sa résidence familiale. Puis, OK. Funérailles lundi prochain, vous allez sûrement vous rendre, est-ce qu'il y a quelque chose d'organisé à Thurso, des autobus, quelque chose pour aller rendre hommage à Guy? On est en train de regarder ça, là, la possibilité là, d'organiser des autobus pour pouvoir permettre à la population de se déplacer vers Montréal là, pour les funérailles nationales. OK. En terminant, il y a une statue. Est-ce que vous entendez faire d'autres choses? Un boulevard, une rue, quelque chose pour rendre hommage à Guy Lafleur? Ben, à Thurso, déjà, on a le bronze, on a la statue de Guy Lafleur, on a l'aréna Guy Lafleur, on a déjà une rue, okay. la rue Guy Lafleur qui fait un quartier au complet. Okay. On est présentement là, en discussion avec le gouvernement du Québec pour que la nouvelle autoroute 50 devienne l'autoroute Guy Lafleur. Ah, déjà, donc ça irait pas là, ça c'est pas long. Thurso, c'est une ville de combien d'habitants? 3 000 habitants. 3 000 habitants. Okay. Ben, monsieur Lauzon, j'aimerais souhaiter mes condoléances. Je pense que c'est tout le Québec qui pleure. C'est vraiment pour vous, ben, c'est probablement un grand ambassadeur. On connaît ça un peu, nous, à Dolbeau-Missassini, Mario Pelcha. Tout le monde connaît Mario Pelcha. Donc, on sait c'est quoi. On est une petite ville aussi. Donc, on sait c'est quoi perdre son ambassadeur et j'aimerais souhaiter mes condoléances. Merci beaucoup. Le maire de Thurso, Benoît Lauzon, qui nous parlait du décès de Guy Lafleur. Merci, monsieur.